Exercice 2, lire par Loïc Muller. Question A. Pourquoi ces chapitres sont-ils importants par rapport à l'ensemble du livre? Les trois chapitres s'enchaînent très bien dans le reste du livre car ils décrivent les malheurs que les deux frères vivent avec une calmeté et une cruauté qui se trouvent dans toute l'œuvre. Ce qui est remarquant est que les chapitres 7 et 9 décrivent deux formations différentes, une de l'esprit et une du corps, donc le physique. Les frères souffrent beaucoup et ils commencent à s'entraîner pour ne plus souffrir. Nous décidons d'endurcir notre corps pour pouvoir supporter la douleur sans pleurer. Ils se rendent donc compte que leur environnement leur cause de la peine et de la souffrance, ainsi que cela ne va pas changer dans le proche futur. Donc, comme réaction, ils essayent à s'endurcir et ce fait de vouloir s'adapter à des circonstances de vie cruelles et défavorables accompagne le lecteur pendant toute la lecture du livre. L'autre raison pour laquelle ces chapitres sont importants est que la présence de la guerre est montrée dans le chapitre 8, ainsi le fait que le soldat étranger qui rencontre les enfants a plus de compassion avec eux que leur propre grand-mère. Ce fait horrible souligne la cruauté que les enfants vivent chaque jour. Il ramène des couvertures qu'ils cachent pendant la journée pour que la grand-mère ne les vende pas aussi, comme si c'était normal. Les résumés. Résumé du chapitre 7. Les garçons décrits comme leur grand-mère et d'autres gens leur font mal de différentes façons, avec les mains, des objets, etc. Les blessures, des chutes, des coupures, du travail, etc. sont décrits aussi et ils se décident à s'endurcir pour ne plus souffrir. Ils commencent à se faire mal l'un à l'autre. La grand-mère ne s'intéresse pas vraiment à leurs blessures. Les garçons commencent alors à l'utiliser de différents moyens pour se blesser. Ils se disent que ça ne fait pas mal et que quelqu'un d'autre souffre, a mal, se brûle, etc. Ils arrêtent de pleurer. Quand la grand-mère crie parce qu'elle est fâchée, ils leur disent qu'elle doit les frapper au lieu de crier et elle le fait. L'abrutissement continue. Résumé du chapitre 8. Les garçons sont allongés sur le banc d'angle de la cuisine quand un militaire étranger qui parle leur langue imparfaitement entre dans leur chambre. Il est étonné de voir les garçons et ils font connaissance. Il leur explique qu'il est en permission pour rentrer chez lui et que sa mère lui a appris leur langue. Les garçons de l'autre côté lui disent qu'ils dorment sur le banc parce que leur grand-mère pue et elle ronfle. Parce que leur grand-mère pue et elle ronfle et qu'ils préfèrent dormir sur le banc dur que dans sa chambre à elle. Les garçons n'ont pas de drap car la grand-mère les a vendus. Le soldat les écoute et ne répond pas. Il prend de l'eau chaude et sort pour ranger sa chambre car le capitaine va aussi rentrer de permission. Quand il revient, il donne deux couvertures aux garçons et les couvre avec. Si la grand-mère voulait les vendre, les garçons doivent le dire au soldat. Il reviendra et il la tuera. Cette déclaration amuse le soldat. L'idée d'être responsable de la mort d'une personne qu'il considère d'être mal ou un ennemi le satisfait. Ça montre ce que la guerre a fait de lui. Il trouve aussi absolument normal de dire à des enfants qu'il va tuer leur grand-mère. Leurs couvertures sont cachées de la sorcière pendant la journée. Résumé du chapitre 9. Klaus et Lucas sont souvent insultés de leur grand-mère et des gens du village. Pour ne plus pleurer, ils s'installent l'un en face à l'autre pour s'insulter jusqu'à les mots perdre leur impact et ils restent indifférents. Ils s'exercent environ une demi-heure par jour de cette façon. Quand ils se rendent compte que les mots anciens comme mes chéris, mes amours, mes petits bébés adorés, etc., que leur mère leur disait les font pleurer parce qu'ils les rappellent le temps où ils étaient aimés et en sécurité, ils changent l'exercice. Ils se disent des mots que leur mère leur disait jusqu'à ce que les mots ne rentrent plus dans leur tête et perdent leur signification. L'interprétation des chapitres 7, 8 et 9. La vie des jumeaux Klaus et Lucas se change radicalement quand la Deuxième Guerre mondiale s'impose. Leur mère les amène en campagne, au village où vit leur grand-mère, pour les protéger des bombardements. À partir de ce moment, leur vie s'empire de plus en plus. Leur grand-mère leur donne beaucoup de travail à faire, les frappe et les traite mal. Les garçons doivent apprendre à vivre dans des circonstances inhumaines et essayent à suppresser leurs émotions pour mieux supporter leur nouvelle vie. Les trois chapitres que j'ai choisis se trouvent encore au début du livre. Les garçons commencent à se rendre compte de leur vulnérabilité et choisissent de se mutiler volontairement de manière verbale et physique. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont maltraités comme ça et pourquoi la grand-mère et les habitants du village les tapent et leur font mal. Ils tirent la conclusion qu'ils vont avoir mal quand ils seront tapés ou engueulés et suppressent leur volonté de pleurer. Ça les rend de plus en plus durs et d'autre côté, ça montre leur intelligence car ils essayent à s'éduquer de ne pas sentir quelque chose. Ils voient le problème et cherchent des solutions, de façon très infantile mais intelligente tout de même. L'incapacité des enfants de sauvegarder leur humanité et de leur innocence est symbolique pour ce que la guerre a fait avec l'être humain. N'importe quelle intelligence l'homme a, et je considère les jumeaux d'être très intelligents et sociables, l'homme va perdre tout ça dans la brutalité de la guerre et se transformer en monstre. Pas tout de suite, mais dans un processus long et douloureux, comme chez les jumeaux.